En chinois, le mot regarder se dit Kan. Doigt noir pointé vers le sol. Kan. Hein, comme une canne. Quand on ne peut pas regarder avec ses yeux, on utilise une canne pour se diriger. Le mot livre se dit Shu. Pouce vers gaucher. Shu pour livre. Hein, le livre est caché dans le chou. Comment dites-vous livre? Chou. Comment dites-vous livre? Chou. Alors vous remarquerez qu'on entend le même ton à deux hauteurs différentes, hein. Une première fois avec une voix basse et la deuxième fois avec une voix plus haute quand c'est l'étudiante. Mais il s'agit en fait du même ton. Vous serez compris que vous soyez soprano ou baryton. Alors comment dites-vous regardez? Kan. Avec le doigt noir pointé vers le sol, comme une canne. Et comment dites-vous livre? Canne. Qu'est-ce que vous venez de dire? Oh, je me suis trompé, j'ai dit regardez. Livre, c'est chou. Pour lire un livre, nous disons regardez livre. Le mot un ne se traduit pas en chinois. Donc, comment dirions-nous lire un livre? Kan. Chou. Comment dites-vous regarder? Gan. C'est kan avec un k. Kan. Oui, kan. Donc comment dites-vous lire un livre, regarder livre? Kan. Shu. C'est ça. Kan. Shu. Et maintenant dites je lis un livre. Je. Wo. Regardez livre. Kan. Shu. Je lis un livre. Wo kan shu. Comment diriez-vous est-ce qu'elle lit un livre? Elle. Ta. Regardez livre. Kan shu. Le mot interrogatif. Ma. Est-ce qu'elle lit un livre? Ta kan shu ma. Et maintenant, oui, elle lit un livre. Vous pouvez juste répondre oui, et pour cela, vous répétez simplement le verbe. Kan, kan. Et maintenant, elle ne lit pas de livre. En chinois, on ne traduira pas le de employé dans la phrase française, mais on dira littéralement elle ne pas regarder livre. Alors commencez par elle. Ta. Ne pas. Pou. Alors rappelez-vous, trampoline pour ne pas regarder. Pou. Kan. Livre. Chou. Elle ne lit pas de livre. Ta. Pou. Kan. Chou. Et maintenant, pourquoi ne lit-elle pas de livre? Vous ne traduirez pas le de la phrase française, mais vous direz littéralement « Pourquoi elle ne pas regarder livre ?» en commençant par « Pourquoi ?» Wei shei ma. Elle. Ta. Ne pas regarder. Bu kan. Livre. Chou. Comment dites-vous pourquoi? Wei shen ma. On dit Wei shen ma. Pourquoi ne lit-elle pas de livre? Wei shen ma. Ta bu kan shu. Elle est occupée. C'est pourquoi elle ne lit pas de livre. Nous allons traduire elle est occupée. Alors dites d'abord elle. Ta. Le petit mot vide. Hen. Occupé. Mang. Comment dites-vous occupé? Mang. Oui, mang. Elle est occupée. Ta. Hen. Mang.